Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Silence les crayons sur les branches immobiles. Les arbres ont des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. Parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Ses il y met sa vie, le bruit de son cœur est comme un bateau porté par sa voile. Doucement le pinceau glisse sur la toile et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair. Il est 13h34 minutes. Bienvenue à l'écoute de la radio Arc-en-Ciel tout en couleur. Voici donc l'émission avec Nicolas pendant quelques heures avec beaucoup de chansons différentes. Et puis cet après-midi, 60 quelques chansons des années 80 jusqu'en 1990 avec bien sûr les chansons qu'on a pu entendre et qu'on n'entend pas beaucoup. On les avait entendues beaucoup, mais maintenant bien, cette année-là, eh bien, on est de moins en moins. Donc, on va essayer de les retrouver, tout simplement. Voilà donc, avec juste un instant, vous avez pu entendre France Gall. L'émission tout simplement avec les chansons. Voici Lio avec Amoureux solitaire, et puis juste après ce sera Lalisa avec Balawan Daniel. Les jours sont les mes coffres à jouer à mes jeux interdits. Les chevaux de Lascaux, les avions de Vinci. À part les mots nouveaux, je n'ai rien appris. C'est toujours la même eau qui coule, c'est toujours le raisin qui s'ouvre, et au fond l'eau du Liverpool, la même chanson qui fait danser la foule. C'est toujours la même eau qui coule. Les amours ordinaires, les chagrins humains, c'est toujours la même. On les voit au scanner, on les lit dans la main de l'antimicarissant. Quand le vieux Magellan découvrit le détroit, il y avait des enfants qui s'y baignaient déjà. C'est toujours la même eau qui roule, c'est toujours le raisin. Arc-en-ciel. Voilà, donc ben, je vous laisse avec Madonna et le titre s'appelle Into the Groove et puis juste après Go West, Pet Shop Boys. Yeah. 14h. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Voici donc Elton John. We'll be right back. shiver in the dark, it's raining in the fog meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty Strictly Rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If they don't know guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. C'est aussi ça. Voici donc Michel Prouveau, et suivi de Eric. Partout. Sur ses hanches, il y a une phrase écrite, redépasser la dose faite. C'est une information, c'est pour vous dire que Tony sera simplement à Orléans le 21 janvier 2022 au Zénith d'Orléans. Voici une des chansons, puis juste après une autre chanson portugaise, et puis aussi un petit coup à Florian, et puis juste après ce sera le groupe Niagara, tout simplement. Ao teu remexer, saltei para a pista bem à tua frente. Na outra gente eu nunca mais pensei. No teu olhar e sem um sorriso, perdi o juízo, puxei-te para mim. Murmurei qualquer coisa louca e olhar-te a boca eu cantei assim. Não fujas com a boca, quero dar-te um beijo. Teus lábios desejos. Com a boca quero dar-te um beijo. Teus lábios desejam com os meus. Jean-Jacques Goldman, et puis Laurent, vous le plutôt après, on écoutera tout simplement Laurent Fabien, tout simplement. La journée se passe. Voici donc qui vient Garou avec son titre s'appelle tout simplement Plus fort que moi, et puis suivi de Lily Harmony avec Amour magique, et puis un petit bonjour à lui. Il faut s'y être un jour perdu pour savoir et pouvoir dire que l'enfer est trop près du ciel. Il faut y être descendu et des abîmes en cime, des attitudes à l'ivresse, des profondeurs. Je connais mes forces, je connais mes peurs. C'est fini, les évidences essentielles. Il faut s'y être un jour rendu pour savoir ce que nous laissent les paradis artificiels. Il faut en être revenu et des déserts aux villes, des solitudes au plaisir d'être plusieurs. Je connais mes forces, je connais mes peurs. Thank you. notre petit nuage, est-ce un miracle? Notre amour est surnaturel, notre relation irréelle. Nous avons créé notre propre rituel, notre danse d'amour sensuel. Corridor avec François Feldman. Goodbye to the island where all bodies touch. Goodbye to spécial, un amour de la femme. Voici ton moment, on s'appelle Climologue avec The Locomotion et puis suivi d'après de Phil Collins. The Locomotion, The Locomotion.

morena, cosa? Baila morena, cosa? Baila morena, morenita mia no se adecua. Baila morena, cosa? Baila morena, cosa? Baila morena. Et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Différentes, et bien voici les émissions différentes. Donc bien, à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver tout simplement l'émission de Christophe avec Eric Choc. Et puis demain, on sera mercredi, et puis comme tous les matins, entre tout simplement 7h jusqu'à 9h. Avec Francky, l'émission tout simplement Le Réveil, c'est bien, avec Francky le lundi et le vendredi. Et puis donc, suivi pour demain, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver l'émission de Victor avec Portugal Noufesta. Et puis, dans l'après-midi, à partir de 16h jusqu'à 18h. Avec Irène, La Vie comme elle va. Et puis juste après, ce sera Violette entre 18h jusqu'à 19h30 avec Traditionnel. Et puis juste après, ce sera tout simplement l'émission avec Carla, avec un océan d'amour. Tout simplement entre 19h30 jusqu'à 21h30. Et puis pour le jeudi matin entre 9h jusqu'à midi, bien vous allez retrouver l'émission Vase de Portugal avec Arrose et Timo. les chansons différentes, eh bien, voici un autre titre tout simplement de Tony Carrera. Donc, il sera au Zénith d'Orléans le 21 janvier 2022. Eu aviso todos, mas um de Arc-en-ciel, c'est aussi ça. Voici donc l'accordéon et voici donc Serge Berry et puis tout simplement Daniel Poignard. de Chine, les perles les plus fines. Les perles les plus fines. Je ferai de tes nuits un palais de l'amour, à rendre folle jalouse la lumière des jours. La lumière des jours. Tes pieds marcheront sur tes tapis de fleurs, tes pétales de roses, de lys ou d'aubépine. De lys ou d'aubépine. Je serai ton esclave ou ton prince charmant, ton fougueux amant, au brasier à mon amour. Même te chercher en mes oeufs d'amis de l'or et des rubis. De l'or et des rubis. Il y a longtemps que je n'ai pas revu la maison, la rue où j'étais enfant. Il y a longtemps que mon cœur se languit de tous les amis que j'avais avant. Ça fait longtemps que mes chansons m'emmènent et puis m'entraînent aux quatre vents. Et même je peux dire que les années qui passent volent et passent les souvenirs. Je voudrais tellement revenir sur le chemin des souvenirs pour dire je t'aime aux gens que j'aime et ne plus partir. Je voudrais tellement les revoir, mais j'ai peur de ne plus savoir. De nos larmes de couler. Il y a longtemps que je n'ai pas cueilli un fruit sur un arbre, une fleur des champs. Et si longtemps que je n'ai pas senti le parfum des hortensias au printemps. Tellement d'années que j'ai perdu le goût des choses essentielles qui sont les plus belles. Même je peux dire que les saisons qui passent volent et passent les souvenirs. Je voudrais tellement revenir sur le chemin des souvenirs pour dire je t'aime aux gens que j'aime et ne plus partir. Je voudrais tellement les savoir trouver les mots pour empêcher toutes nos larmes de couler. Tellement les revoir, mais j'ai peur de ne plus savoir trouver les mots pour empêcher toutes nos larmes de couler. Si le printemps, la douceur du temps, nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agile, sur l'onde tranquille, les que dociles au bras des amants, des fraîches guinguettes, des filles bien faites, les frites sont prêtes et y a du vin blanc. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles s'en mêlent du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil connaît son affaire. Cueillons en chemin ce minois mutin, cette robe claire. Venez, belle fille, soyez bien gentille, là sous la charmille, l'amour nous attend. Les tables sont prêtes, l'aubergiste honnête, il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles s'en veulent du côté de nos gens. Et puis de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Car c'est toujours pareil, tant qu'il y aura du soleil, on verra des amants au printemps s'en aller pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de... Envie de passer un bon moment ? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Voici donc qui vient débuter avec Nuit de folie. Et puis juste après, ce sera Survivor. Y'a pas de saison pour que vive la musique au fond. Pas de saison pour que vive le son. On marche en sidonie, ne cadence à tes pas. Tu sens la musique au bout de tes doigts. Tu dis que la vie qu'on t'attendait est faite pour ça. Tant de choses grâce au son tu connaîtras. Ton cœur est un saphir de pique-up. On a trouvé des décibels dans ton kick-up. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes. Sans accord majeur, c'est une piste sans danse. heures. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard des idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucré tombait, je vis le café renversé. Je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain, la caisse était cassée avant de craquer les grandes, mettant la gomme. Jamais détalé. La musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs. On sent son dernier soupir lorsqu'on va mourir. Mais un souffle, j'avais gardé car on ne peut pas te passer, chacun le sait. Ça m'a envie de choquer. Dans jusqu'au bout de la nuit, des flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Tu chantes, chantes, chantes. Tu chantes. Valorama, et puis juste après Cocorine. To come to your defense, would you worry? Sinatra. Arc-en-ciel, un amour de la femme. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd turn away romance. Are you pretending? It looks like the ending, unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. You're making. You know I'm yours for just the taking. I would gladly surrender myself to you, body and soul. Beneath the moon and under the sun, where the come here to me or far. It's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Up all of my cares and woes, here I go, singing low, bye, by my blackbird, where somebody waits for me, sugar sweet and honey, so is she, bye, bye, my blackbird. No one here can love or understand me. All the hard luck stories they all hand me. So make the bed, honey, light the light. I'm coming home late tonight. Blackbird, oh, bye-bye. Oh,

première fois, des hauts, des bas, et t'en débats sur des gens comme moi. Attention à toi, car tes fesses, moi, je m'en lasse pas. Oh my sweet.

sexy girl. You got me pussy like you know it. Sexy lady, be my baby. Got me crazy, honey, baby. Se siente caliente. Quiero ver. Se siente caliente. Tú y yo, bebé. Se siente caliente. Soltera, yo te quisiera probar. Nos vamos a tomar de tequila. La noche vamos a limpiar. Pégate y prende mi bandera. La disco está a reventar. La fiesta está buena. Es pa' beber y pa' bailar. Y si estás soltera, yo te quisiera probar. Nos vamos a tomar de tequila. La noche vamos a limpiar. Pégate y prende mi bandera. La disco está a reventar. Arc-en-ciel, un amour de la femme. Arc-en-ciel, c'est aussi ça. Entre nous, vous êtes prêts? C'est parti! Tapez dans les mains, chantons à tue-tête, on va faire la fête entre nous. Tapez dans les mains, chantons à tue-tête, on va s'éclater comme des fous. Voir un petit coup, c'est agréable. Voir un petit coup, c'est nous. Mais il ne faut pas rouler dessous la table. C'est agréable. Voilà un petit coup, c'est un petit coup, la la la, un petit coup, la la la, un petit coup, c'est à voir, à voir, à voir, c'est à voir qu'il nous faut. Ah, la tienne, tienne, ah, la tienne, mon Dieu, sans les garçons, les femmes, nous serions tous des frères. Ah, la tienne, mon vieux, sans garce de femme, nous serions tous heureux. Chevalier de la table ronde, nous t'envoie si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, nous t'envoie si le vin est bon. Pour ça, à la Bastille, gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon paillet, maman. Les gens de la ville, ville, ville m'ont pris mon paillet, maman. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Quand le prieur nous engueule, on lui chante des chansons. C'est un guébon, guébon, guébon. Et voilà la vie, la Michel et Sarah. Et voilà la vie que tous les moines font. Tapé dans les mains, le chapeau à la cuisette, on va faire la fête entre nous. Tapé dans les mains, le chapeau à la cuisette, on va s'éclater entre nous. Thank you. à toutes. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Continuons qui vient de Chine et puis suivi d'une autre chanson de l'Unie Harmonie avec tout simplement des chansons, tout simplement qui s'appelle le titre. Je vais dire ça tout à l'heure. Le titre s'appelle tout simplement Son Regard et donc un petit coucou. We'll be right back.